chaleur à nul autre pareil, qui m'enlèverait dans un doute répas, comme un serpent dans son hiver. Dans mes veines, le liquide froid que je fais couler dans mon verre me versera dans cet état-là. L'ivresse pour combattre ma vie. Depuis des heures, mon œil ouvert de ma condition devient là, qui pourrait baisser ma paupière, sinon de l'alcool, le métal froid, que donc de l'éther sonne l'heure, comme jadis il en fut du glas, ce coma je l'attends sans peur. Chien à boire. L'ivresse pour combattre ma vie. Parce que j'ai peur de faire des choix. J'ai vécu, j'ai souffert, noyé au fond d'un verre. Plus de fatigue. J'attendrai sans remords d'aucune fois que ce reptile me morde encore. Vider mon verre une dernière fois. L'ivresse pour combattre ma vie. Parce que j'ai peur de faire des choix. Cette fois, je retourne au front.